Bonjour. Sergio m'a écrit dernièrement, il me parlait de la vidéo que j'ai déjà faite sur les avertissements par rapport au milieu supramental. Et ce n'est pas sur cette chaîne-ci qu'il a dû écouter ça, c'est une vidéo que j'ai faite il y a quelques années. Mais c'est sur Internet. Il y a d'autres chaînes qui le diffusent. Puis, c'est des choses que je n'ai pas l'intention de répéter. Pourtant, je suis confronté au même genre de problème que quand j'ai arrêté la première chaîne. Pourquoi j'avais arrêté? Pourquoi? Parce que ce milieu-là, il faut que je choisisse mes mots, que je fasse très attention à ce que je vais dire, mais il est rempli de gens qui sont dans un processus d'initiation psychologique ou un cheminement spirituel, et ces gens-là ne m'intéressent pas. C'est pas à eux que je m'adresse, et pourtant, au niveau d'un discernement vibratoire qu'ils n'ont pas, ils vont toujours être attirés par moi. Puis, ça devient fatigant. Si vous êtes dans du développement personnel, dans de la spiritualité, parce que moi, je parle de contact avec l'esprit, pas de spiritualité, ou dans un processus de développement personnel ou comment je pourrais dire ça, de guérison psychologique. Ce dont je parle, ce n'est pas pour vous. Je ne cherche pas à être populaire ou à avoir un paquet d'abonnés. Je préférerais avoir juste quelques abonnés. Parce que là, il y a des gens qui viennent entre autres me parler de Castaneda. Castaneda, j'ai lu ça quand j'étais ado. Et même là, je le savais. Je le savais au fond de moi-même que Don Juan, puis les planeurs, puis ces affaires-là, c'était tout de la bullshit. Parce que j'avais déjà un début de sensibilité au vibratoire. Il y en a qui sont pris dans des. Si vous ne pouvez pas gérer de l'énergie de base. Ça, Bernard pourtant en a parlé en masse. Daniel Kemp aussi en a parlé en masse. Si là, vous avez pas la caisse, si vous êtes surendetté ou que vous n'avez pas la capacité de vous vêtir convenablement ou de vous loger convenablement d'une façon qui n'est pas 70% de votre budget, si là, vous n'avez pas ces capacités-là de base, c'est pas, faut pas le temps de s'intéresser à de la conscience. L'important, c'est vous. Votre qualité de vie. Puis c'est pas en allant vers du plus subtil que ça va se régler, il faut commencer à avoir la capacité de gérer du concret. Puis des gens qui vont avoir un certain encore des expériences liées à des choses, des formes, comme je ne sais pas moi, les petits gris ou des reptiliens qui ont des obsessions de reptiliens ou de peu importe là. Moi, c'est pas à vous autres que je m'adresse, puis du monde comme ça, j'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Puis dans ce milieu-là, il y en a plein de monde que eux, ils vont vous dire oui, viens, viens vers moi. Moi, je vais te vendre telle formation, ça peut t'aider. Tel livre que j'ai écrit, ça peut t'aider. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'une conscience vampirique, eux, la conscience de la gestion de l'énergie, ils l'ont. Puis ils vont vouloir votre énergie. C'est-à-dire, entre autres, un des supports les plus denses qu'il y a pour l'énergie, c'est-à-dire votre argent. Puis, parce que c'est un marché. Le supramental, avec les années, est devenu un marché. Puis, ils vous voient comme des clients. Moi, j'ai pas de clients. J'ai rien à vendre. Puis, ça va tout le temps être gratis. Mais je vais échanger avec des gens qui ont le même. Ça me tente pas, moi, de perdre mon temps avec du monde qui questionne le double pour savoir où parquer le char. C'est pas ça l'intégration, puis c'est pas ça la fusion. Pas au sens où moi je le parle. C'est de, comme, vous savez c'est quoi ça? C'est mes livres. Pas des livres que j'ai écrits, pas des livres que je lis pour intégrer de la conscience. Ça, c'est mon grand livre. Dans lequel je note mon budget puis mes affaires de même, je le tiens depuis avril 2005, scrupuleusement. Ça, c'est mes comptes courants, mes valeurs matérielles, ce qui est entreposé entre autres, puis les actifs et valeurs mobilières. C'est ça, moi, les livres les plus importants pour moi de base. d'intégrer du concret, d'au moins gérer ça. Au moins avoir la paix, pas se faire chier avec des considérations qui n'ont pas d'allure. Si vous n'êtes pas capable, par exemple, de tenir l'endroit où vous vivez propre, si vous n'êtes pas capable de vous nourrir convenablement, de savoir comment faire cuire un œuf comme du monde, si vous n'avez pas encore au niveau des échanges la capacité d'avoir un niveau d'orthographe de base, c'est pas le temps de venir me faire chier. Moi, je suis pas là pour me faire chier. C'est d'intégrer le concret avant tout. C'est ça qui est important pour avoir un niveau de vie, un niveau de qualité de vie, au moins de base. D'au moins. Parce que sinon, vous allez vous mettre dans la merde. Mais bien plus que vous l'êtes encore. Parce que même du monde qui avait parfaitement réussi dans la vie, qui ont eu certaines initiations, si on peut dire, ça a été terrible, ça a été l'enfer. Puis fiez-vous à ce que je dis, parce que je parle d'expérience. Il y en a qui meurent, qui ne se relèvent pas, qui sont testés, là. Puis moi, je n'ai plus la. J'ai plus de discernement par rapport à ça. Puis je me fie beaucoup plus à ce que je sens. Parce que psychologiquement, ça m'est arrivé de me dire, ah ben telle personne, oui, il y aurait possibilité qu'elle intègre, puis de brûler de la pollution, puis je me fais avoir. Mais je ne l'ai plus, cette naïveté-là. Ça ne me tente pas d'être entouré de paquets de troubles. Puis si là, vous sentez là, une attirance irrésistible, là, puis un besoin de me contacter, ben ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Donc, si vous êtes dans des histoires de développement personnel, de spiritualité nouvel âge, genre qu'il y a de la pollution qui nous vient de la Californie ou du sud des États-Unis, ou des affaires de même, vous êtes encore à vous débattre avec des pensées obsessives ou de la fascination pour, je sais pas, moi, pour les reptiliens ou les petits gris ou des hosties d'affaires de même. Moi, je veux rien savoir. Vous allez aller traîner vos guêtres ailleurs. Puis je me répéterai pas. Puis si ça continue, si ça fait pas, là, puis que vraiment ça s'adresse trop à du monde au large, là, YouTube, là, ben, je m'arrangerai pour être à dans des plateformes plus restreintes. Puis, je donnerai les liens à des gens choisis. Par rapport, là, comme dans les abonnés, il y en a, je trouve, qui ont bien de l'allure. Je ne suis pas en train de chialer contre tout le monde. Mais il y a des affaires, là, j'ai plus la patience. Pourquoi? Parce qu'il faut plus l'avoir. Là, surtout, là, on s'en va vers des temps où tout va être plus drastique, puis les choses vont vite. Ça fait que les naïfs, là, suivez votre instinct, là. C'est comme il y en a un, là. Je ne sais pas pourquoi il vient ici, c'est tout le temps lui. Lui, en plus, je pense chez c'est qui. À un moment donné, j'avais été invité à un souper quelque part, puis je suis pas allé parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un qui serait là, que de toute façon, là. Moi, mes soupers préférés, c'est quand c'est moi qui le fais, puis je suis. Il n'y a pas grand monde. Mais, gars, là, si t'aimes pas ça ici, là, ben va écouter d'autres choses. Parce qu'il manque jamais de venir me mettre son pouce en bas. Il y a tout le temps de quoi que. Gars, là, calisse, là, Chris, fais-le tes affaires de ton bord, puis calisse-moi à paix. Parce que c'est pas que. Ça, c'est sûr, c'est normal qu'il y ait des pouces en bas. Mais lui, je sens une énergie. J'ai affaire à un bonhomme, ça, je suis sûr. Pas mal sûr, d'un certain âge, un petit peu plus vieux que moi. Puis, les choses, il y a du palpable, hein. Regarde, là, moi, j'ai jamais crissé un pouce en bas de toute ma maudite vie sur YouTube. Pourquoi? Parce que ce que j'aime pas, je l'écoute pas, puis je m'en vais. Fait que, ça fait pas ton affaire ce que je te dis, questionne-toi par rapport à ça. Puis, pour ce qui est, là, du reste. Je commence à penser que il commencerait à être temps que je fonde une espèce, on peut dire, mon petit réseau. Mon petit réseau à moi, qui va être sélectionné selon, si je peux dire, la sympathie vibratoire, puis aussi le niveau de capacité. Puis, c'est pas pour être, comment je pourrais dire ça? C'est pas pour être hautain, c'est pas par mépris, c'est pas par prétention, c'est au niveau de comment je pourrais dire ça? La nécessité. La nécessité. Moi, je donne pas de formation, puis je m'en calisse de votre argent. Mais par contre, je ne vais pas dépenser de l'énergie pour rien. Et puis comme j'ai déjà fermé ma chaîne à cause de ça, j'ai pas l'intention cette fois-ci encore de me faire chier puis de perdre de l'énergie. Essayer d'expliquer des choses qui sont censées être vues. Il y en a plein de monde qui, eux autres, ils ont des livres à vendre, ils ont des formations à donner, puis ça va leur faire plaisir de. Vous avez juste à aller là jusqu'à ce que vous ayez assez souffert pour comprendre, puis après, on verra. Mais en attendant, là, en tout cas, bonne journée.